Ce monde est infesté de gens abominables, fiers de leur pouvoir et de leurs actes minables. Ils ont les clés du paradis, mais les gardent pour eux-mêmes. Au pays des enculés, les mythos sont couronnés. Un jour viendra, le peuple se vengera, c'est bientôt l'heure de la révolution. Un jour, dis-moi, est-ce que ce monde changera? Y aura-t-il un jour la moindre révolution? Comment vivre mieux dans ce monde infesté de gens malhonnêtes et de fascistes, d'un président con comme c'est à l'honnête? Parlons de la planète, ouais, comme c'est à l'honneur. T'as peut-être pas l'air d'un pourri, mais crois-moi, t'en as l'odeur. Le mensonge, ils le connaissent, ils en font tout un arsenal. Mais dis-moi, qui se soucie de l'identité nationale? Rien dans l'assiette ou dans les poches, et qu'est-ce qui les préoccupe? La grippe le voit, les immigrés, mais les pauvres, on les occulte. Ils font tout pour accentuer le communautarisme. On laisse le pays à des haineux et les communautarés. S'il faut les laisser nous guider, je préfère qu'on vive en autarcie. La France se barre tellement en couche, je préférerais vivre en Antarctique. Mais je poserai mes pieds nulle part, car ces putains de glaciers fondent. Voilà grosso modo la direction que prend ce monde. Ce type est si petit, pourtant il veut faire partie des grands de ce monde. Mais pour ça il ne suffit pas d'un yacht ou d'une grosse montre. Ce monde est infesté de gens abominables, fiers de leur pouvoir et de leurs actes minables. Ils ont les clés du paradis, mais les gardent pour eux-mêmes. Au pays des enculés, les mythos sont couronnés. Un jour viendra où le peuple se vengera, c'est bientôt l'heure de la révolution. Un jour, dis-moi, est-ce que ce monde changera? Y aura-t-il un jour la moindre révolution? Ce pays est si mal géré, aujourd'hui personne ne peut lier. Pourtant certains le font quand même et rejettent la faute sur ceux qui ne sont pas au pouvoir, voire sur le bœuf tant qu'on y est. La France, ils peuvent la changer, encore faut-il le vouloir. Penses-tu qu'ils pensent au peuple? Obnubilé par la victoire, adapte son discours en fonction de l'auditoire. Écologiste, c'est à la mode. Capitaliste devant les riches, socialiste devant les pauvres. Communiste face à la crise. On a tous bien compris quelle était ta vraie nature. Tu parles de fracture mais rien ne change sur nos putains de factures. Toi tu te fous de tout ça, tes amis s'enrichissent. Nous faut qu'on triche ici pour pouvoir sortir de l'abîme. L'État est endetté, pourtant moins de taxes pour les gens fortunés. De nouvelles pour les gens modestes, histoire de creuser l'écart. Comme quoi ton destin s'accomplit selon l'endroit où tu nais. Ton influence est maigre car sont eux qui détiennent les cartes. Ce monde est infesté de gens abominables, fiers de leur pouvoir et de leurs actes minables. Ils ont les clés du paradis, mais les gardent pour eux-mêmes. Au pays des enculés, les mythos sont couronnés. Un jour viendra où le peuple se vengera, c'est bientôt l'heure de la révolution. Un jour, dis-moi, est-ce que ce monde changera? Y aura-t-il un jour la moindre révolution? Pas de vice-président, mais un président du fils. Développe son art de la traîtrise et enseigne à son fils. Lui obtient sa part de pouvoir malgré son incompétence. C'est semblable au gouvernement qui ne connaît rien à la France profonde. Ceux qui gouvernent nous manquent, nous prennent pour des débits profonds. Mais au fond, on a déchiffré la mascarade. Moi je n'ai pas voté pour toi, t'as paumé tout le mascara. Que tu veux, enfoiré, on ne maquille pas ses actes. Et contrairement à toi, les archives ne mentent pas. Que tu nous niques, c'est évident. Même si tu le montres pas, du moins t'essayes, mais c'est gros comme les diamants de ta Rolex. C'est belliqueux, mais que ferais-tu toi si l'arme est enrôlée? Petite queue, fallait l'ouvrir devant le général Kadhafi qui défile l'homme et ses droits de manière générale. Vous rendez ce pays ridicule, ouais, c'est la honte que nous frisons. Comportement déshonorable, tout comme l'état de nos prisons. Les logements sont comme l'assemblée, infestés de cafards. Nain, homme ou ce que tu veux, on sait tous ce que ce type est. Un accro du pouvoir, c'est tellement le foutoir que cafard. Nahom est le neveu de cette France criblée en ses ordres, malgré le nombre de forces de l'ordre, malgré les possibilités, malgré la force des lois. Ils nourrissent la pauvreté, augmentent les inégalités. C'est un état totalitaire dans sa totalité. Ce monde est infesté de gens abominables, fiers de leur pouvoir et de leurs actes minables. Ils ont les clés du paradis, mais les gardent pour eux-mêmes. Au pays des enculés, les mythos sont couronnés. Mais un jour viendra où le peuple se vengera, c'est bientôt l'heure de la révolution. Un jour, dis-moi, est-ce que ce monde changera? Y aura-t-il un jour la moindre révolution? Les médias détruisent l'opposition quand le gouvernement actuel ne fait pas de propositions. Dis-moi qui tire les ficelles aujourd'hui dans ce pays. Vous, dans les hautes sphères, préparez donc votre rayon. Ce sera la guerre. Un jour, n'es-tu pas fier, toi qui la prônes? Tes contradictions sont flagrantes comme ta haine et ton mépris. Donc j'espère que le prochain vote te fera tomber de ton trône. J'espère que d'ici là, les gens auront compris.